Non mais c'est vrai, on pourrait essayer... Salut les gars d'abord, je sais pas si je vous ai parlé aujourd'hui, donc on pourrait essayer Hike Up de Pink Floyd, comme disait. Ouais, ça pourrait être pas mal, elle est jolie cette musique en plus. C'est drôlement joli. T'avais raison, en fait, c'est vrai que dans Pink Floyd, je veux dire, ils ont un son. parce que là, Ton Allman, c'est vrai que là, c'est... rien que le son déjà.